Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Marcel Chaput, l'indépendance avant tout. S'il s'agit de la signature de l'indépendance, c'est-à-dire la déclaration de l'indépendance elle-même, l'indépendance politique, j'ai dit, et je répète, qu'elle devra se faire d'ici 10 ans. Sans ça, elle ne se fera probablement pas. Marcel Chaput, indépendantiste de la première heure au micro de Wilfrid Lemoine en 1961. Marcel Chaput, fonctionnaire fédéral, congédié en raison de ses allégeances politiques, sera l'un des cofondateurs du Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN. Chaput est convaincu qu'il faut faire l'indépendance et qu'il faut la faire rapidement. C'est sa grande priorité. Le reste, la nature du régime politique d'un Québec indépendant ou la sensibilité politique à gauche ou à droite de ceux qui le dirigeraient, ce Québec indépendant, importe peu, pourvu que se fasse l'indépendance. Je ne veux pas être méchant avec le Parti québécois, mais il reste quand même que pendant 13 ans, il s'est à peu près pas fait d'éducation indépendantiste comme telle. Pour que les gens n'en aient pas peur, il faut qu'ils sachent exactement ce que c'est. Or, on a présenté ça d'une façon tellement timorée, tellement dilué que on est rendu dans la campagne qui vient de se terminer, que ce sont les victimes, c'est-à-dire nous, les coloniaux de l'Empire britannique, ce sont nous qui sommes culpabilisés, qui sont accusés de vouloir porter atteinte aux libertés individuelles, et que celui qui est exonéré, c'est l'envahisseur, c'est l'occupant. Il ne s'agissait pas, dans ce référendum, de savoir si le fédéralisme en tant que forme de gouvernement est meilleur ou moins bon qu'une autre forme de gouvernement qui s'appelle souveraineté association ou autre chose. Ce n'était pas une question d'avoir, c'était une question d'être. Le référendum aurait dû porter sur l'identité et il a porté sur la possession, sur le butin. Alors, il s'est entraîné une quantité de débats que j'estime futiles, oiseux. Surtout sur les débats des comptes économiques, à savoir est-ce qu'on gagne plus, est-ce qu'on perd plus. Ce n'était pas ça le débat référendaire. Ça devait être est-ce que nous existons, est-ce que nous allons continuer d'exister ou si nous serons indéfiniment une minorité comme les autres. Marcel Chaput commentant la défaite référendaire du 20 mai 1980 sur la souveraineté du Québec, entrevue qu'il accorde au lendemain de cette défaite. Éric Bédard, historien à la TELUC, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Éric, tout est là-dedans. La pensée de Marcel Chaput sur son engagement pour l'indépendance du Québec, tout y est. Oui, et elle reflète celle de bon nombre d'indépendantistes. La question de l'indépendance du Québec, ce n'est pas une discussion sur la nature d'un régime politique, le fédéralisme ou non, ou la République ou non. Ce n'est pas une discussion sociale, plus de richesse, comment redistribuer la richesse, est-ce que ça coûte cher le fédéralisme ou moins cher. C'est une question existentielle sur l'avenir et l'existence d'un peuple. Est-ce que si dès lors qu'on reconnaît le Québec comme une nation née dans l'histoire, est-ce que cette nation-là doit ou non et comment assurer sa pérennité? Est-ce que le fait de devenir une nation libre et indépendante, c'est la meilleure voie? Ouais. Et c'est cette question-là qui n'a pas été posée le 20 mai 1980 et c'est ce qu'il déplorait. Ouais. Et pour lui, c'est là l'idée du pays, c'est la seule question au fond, c'est la priorité, tout le reste vient après, mais c'est l'indépendance avant voilà, tout. Exactement, il terminait son « Pourquoi je suis séparatiste », son grand best-seller du début des années 60, sur une question, il disait « Au fond, je viens de vous expliquer les raison là de faire l'indépendance, mais la grande raison, c'est la dignité. Ouais. La dignité d'un peuple qui n'a jamais eu sa plénitude, sa liberté collective. Et donc, voilà la grande raison. Et c'est là-dessus qu'on doit voter et non pas sur d'autres raisons plus périphériques. Alors, parlons un peu du personnage. Qui est Marcel Chaput? Alors, Marcel Chaput, c'est quelqu'un qui est né en 1918, qui est originaire de Hull, donc dans l'Outaouais. Il est docteur en chimie de l'Université McGill, quelqu'un de très bien formé, qui devient ensuite fonctionnaire fédéral. Il va perdre son emploi en novembre 1961, au lendemain d'une conférence qu'il prononce à l'Université Laval. Et c'est sans contredit l'un des grands chefs historiques du mouvement indépendantiste. Il prononce son premier discours séparatiste, comme on l'a longtemps dit, en 1937. Il va être très impliqué dans les mouvements de jeunesse. Il vient du mouvement indépendantiste par la voie, disons, plus traditionnaliste. C'est un admirateur du chanoine Grou. Il va adhérer à l'alliance laurentienne d'un certain Raymond Barbeau, qui avait été fondé en 1957. C'est un nationalisme plus traditionnel, plus canadien-français, mais en même temps, il va quitter l'Alliance laurentienne parce qu'il jugera que ce ce groupe, ce mouvement politique, est trop, pas trop de droite, mais trop idéologique au fond. Ah bon? Il est lui-même mal à l'aise avec un mouvement qui est trop idéologique, qui met en avant une certaine vision de la société, ouais. Et l'indépendance s'annexe mm-hmm. à cette vision de la société. Il s'est toujours opposé à ça, que ce soit parce que c'est la droite ou que ce soit parce ouais. que c'est la gauche. Puis on verra que... Ce sera très important durant les années 60. Il y aura un débat justement entre Chaput et cette gauche incarnée par le RIN. RIN qu'il va par ailleurs cofonder, le Rassemblement pour l'indépendance nationale. Comment vient-il à fonder ce mouvement d'abord qui deviendra parti politique? Justement, alors il y a lui, mais il y a aussi quelqu'un comme André d'Allemagne qui était militant à l'Alliance Laurentienne, mais qui n'était pas à l'aise avec la perspective de Raymond Barbeau et qui donc décide de créer un mouvement d'éducation parce que c'est très important. Au départ, le Rassemblement pour l'indépendance nationale est un mouvement d'éducation, une sorte de... Ce n'est pas tout de suite un parti politique. Non, pas tout de suite. Et donc, un mouvement d'éducation pour faire connaître l'idée indépendantiste, sa légitimité, son intérêt, son importance, développer tout un argumentaire, fonder peut-être éventuellement des publications ouais. pour faire connaître cette idée. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'en 1960, on fonde le RIN. Et ça lui convient parfaitement. Il fera de la politique active, Marcel Chaput. Il va créer son propre parti, on y vient dans un instant. Mais les débuts du RIN, ce que vous venez de décrire, ça lui convient parfaitement. On l'écoute en parler d'ailleurs le 14 décembre 1961. Je n'ai certainement pas l'intention de me lancer dans la politique. Le RIN a été fondé pour propager l'idée de l'indépendance. Je crois que cette première phase, qui est la propagation de l'idée, est bien loin d'être complétée. Nous avons à justement à renseigner la population, beaucoup plus que nous l'avons fait dans le passé. Alors, il y a énormément de travail à faire uniquement sur le plan de la propagation de l'idée de l'indépendance, ce qui veut dire que nous en avons encore pour quelque temps avant de pouvoir passer à l'action politique proprement dite. Donc, au début, encore une fois, cette idée de parler, de faire de la pédagogie oui. autour du pays de l'indépendance, et puis après, et puis ça viendra, l'engagement politique. Voilà. Alors, mais cette espèce de dilemme qu'il va y avoir chez les indépendantistes, on le retrouve par exemple chez les écologistes. Est-ce qu'on est un mouvement social qui fait ouais. de l'éducation et qui fait pression sur tous les partis politiques, ou est-ce qu'on devient nous-mêmes un parti politique, hein? Les écologistes ont créé les Verts, mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, même chose chez les indépendantistes. Au départ, le RIN, c'est un mouvement d'éducation civique, c'est un mouvement qui fait de la propagande, comme on le dit à l'époque, mais très rapidement, Marcel Chaput voit les limites aussi de ce type d'action politique. Et il veut absolument que, finalement, des indépendantistes se présentent aux élections de 1962. Et donc, il va tenter de convaincre le comité national, enfin, l'exécutif du RIN, les dirigeants du RIN, de se transformer en parti politique. Et il échoue. Il va donc se présenter seul, comme candidat indépendant, dans la circonscription montréalaise de Bourget. Et alors que le RIN va appuyer les libéraux qui prônent, hein, je vous le rappelle, la nationalisation, de compléter ouais. la nationalisation de l'hydroélectricité. Leur slogan est « Maître chez nous ». Parce que le RIN, très nationaliste. On y reviendra, Éric, mais déjà un petit mot. Le RIN, au fond, est plus déjà, à ce moment-là, sur l'idée des choix de société, le progressisme des libéraux, mm-hmm. de Lesage à l'époque, que sur l'indépendance d'abord et avant tout. Je ne sais pas si ça j'irai jusque-là, mais c'est sûr que le courant dominant chez le RIN va être le courant plutôt social-démocrate. Ouais. Mais c'est, vraiment, on est dans une discussion plus tactique. Ouais. Est-ce qu'on reste un mouvement d'éducation civique ou est-ce qu'on se transforme en parti politique? Le choix de Marcel Chaput en 1962, c'est qu'on doit présenter des candidats au plus vite. Et c'est ce qu'il fait. Il se présente et il obtient 3300 voix. Et puis, il franchira un pas supplémentaire tout de suite après. Le 17 décembre 1962, il décide de créer le Parti républicain du Québec. Exactement. Alors là, vraiment, c'est un coup de tonnerre. Comme il voit qu'il ne peut pas convaincre ses collègues du RIN, il décide de créer le Parti républicain du Québec. Et ce parti-là va tenir ses premières assises, mais attention, c'est assez étonnant, à l'hôtel Reine-Élisabeth, les 16 et 17 mars 1963. Donc, c'est lors de ce congrès tenu dans ce très chic hôtel de Montréal que le parti, ce tout nouveau parti, adopte ses statuts, ouais. adopte son programme. Et donc, pourquoi il fait ça? Pourquoi il va à l'hôtel ouais. Reine-Élisabeth? C'est un peu surprenant. Ben, parce que Marcel Chaput veut convaincre une certaine élite nationaliste très présente peut-être dans les sociétés Saint-Jean-Baptiste, les notables, que l'idée d'indépendance, c'est une idée tout à fait respectable. Mm-hmm. Ce n'est pas une idée nécessairement entre guillemets révolutionnaire. C'est pas, on veut pas s'inspirer d'Algérie ou on n'en est pas là. On veut montrer une image de respectabilité auprès d'une certaine élite. Une symbolique très forte. On peut parler de ça dans un hôtel comme voilà, Reine-Élisabeth. C'est ça. Mais ça coûte cher. Mais ça, c'est certain. Et ça va lui jouer des tours parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, évidemment, la réaction. Parce que la création du Parti républicain, ça va vouloir dire pour lui l'expulsion du RIN. On écoute Guy Pouliot annoncer justement cette expulsion de Marcel Chaput et de tous les membres du Parti républicain le 23 janvier 1963. À compter du 7 février 1963, tout membre du RIN qui sera aussi membre du PRQ ou qui y travaillera sera frappé d'expulsion automatique. Le Conseil central du RIN a décidé, en outre, de transformer immédiatement en expulsion la suspension prononcée à l'égard de M. Marcel Chaput par la région de Montréal du RIN. Le Conseil central proposera au prochain congrès général du mouvement, qui aura lieu au début de mars 1963, la transformation immédiate du RIN en parti politique afin d'offrir aux Québécois l'occasion de se rallier à un parti d'envergure nationale, aux structures démocratiques, qui présente à la population un programme précis et qui lui fournit toutes les garanties d'honnêteté et de sérieux qu'on a droit d'exiger de ceux qui veulent bâtir le Québec de demain, le Québec libre. Alors, Marcel Chaput et Éric Bédard, ils créent le Parti républicain, on l'exclut du RIN, mais ils forcent le jeu. Le RIN voilà. qui annonce en même temps, nous deviendrons aussi Exactement. Un parti politique. Exactement. Donc, il a finalement gagné son pari, mais à l'extérieur de ce parti qui va finalement l'exclure, mais il y reviendra un peu plus tard. Mais... Qu'est-ce qui accroche entre Marcel Chaput à ce moment-là et le RIN? Bon, on a l'impression qu'il s'agit de conflits de personnalité. Il y a peut-être aussi des perspectives plus idéologiques, en effet, sur le programme. Est-ce qu'on va plus vers un programme social-démocrate ou un programme un petit peu plus conservateur? Mais toujours est-il que l'expérience de Marcel Chaput, très rapidement, tourne un peu au vinaigre. Puisque il a fait ce grand congrès à l'hôtel Reine-Élisabeth, il a donc embauché des gens, il a un local, une permanence, mais là on arrive à l'été, il y a un trou de 100 000 $. Il va devoir, puis il y aura une tactique assez intéressante, la grève de la faim, pour aller chercher de l'argent. Mais un mot encore sur la divergence, parce qu'elle est intéressante à ce moment-là, entre Chaput et le RIN. Parce qu'au fond, cette divergence est intéressante parce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui. Ce grand débat, finalement, Éric Bédard, le RIN qui veut l'indépendance, mais qui veut un Québec plus à gauche... Chaput, ce qu'il veut, puis ce qu'il fait avec le Parti républicain, c'est, puis c'est là où on est encore dans le débat aujourd'hui, dans le mouvement souverainiste, c'est une espèce de parti d'abord et avant tout souverainiste qui rassemble les souverainistes de toute allégeance, qu'ils soient bleus, rouges, comme on aurait dit à l'époque, qu'ils soient à gauche ou à droite. Alors, il refuse, en effet, que le Parti des indépendantistes ait une couleur idéologique trop marquée, pour des raisons d'abord stratégiques. C'est que, justement, il est bien conscient que parmi les indépendantistes, il y a des gens qui sont plus conservateurs et il y a des gens plus de gauche. Et parmi les gens plus de gauche, ben, il y en a qui identifieront bientôt le sort des Canadiens français à celui des nègres blancs, hein, de nègres blancs d'Amérique. Ce sera la position de Pierre Vallière. Vous avez des jeunes qui fondent le Front Libération du Québec. Donc, il y a un certain nombre d'indépendantistes qui associent, qui assimilent la cause du Québec à celle des pays du tiers-monde. C'est la grande époque de la décolonisation. Mais vous avez à côté de ça des gens qui sont issus des mouvements de Société Saint-Jean-Baptiste, qui ont une vision un peu plus traditionnelle, qui sont très influencés par les thèses du chanoine Gros, qui parlait de l'État français dès 1937. Et donc, ces gens-là voient pas le Québec comme Cuba ou comme l'Algérie. Alors, comment rassembler tout ce monde-là? Et c'était la grande obsession de Marcel Chaput. C'est son projet. C'est son projet. Et donc, il faut, pour des raisons tactiques, essayer d'éviter de distinguer. Donc, voilà, c'était vraiment très important pour lui. Parce que, encore une fois, c'est vraiment la ligne maîtresse. Mais pour lui, l'indépendance avant tout. Après, prime. Oui, puis ça encore, une fois, le débat n'est pas terminé. Perdure, absolument. À l'heure où on se parle. Donc, revenons à cette difficulté financière que vous évoquiez avec son parti, le Parti républicain, 100 000 $ à trouver. Et cette idée, ça oui. lui vient d'où? C'est assez original. Grève de la faim au Québec. Clairement, ça lui vient de Gandhi. C'est-à-dire que Gandhi s'était fait connaître par ses grèves de la faim contre l'occupant britannique. Alors, vous voyez l'espèce de symbolique. L'occupant, l'Inde qui était une colonie britannique. L'Inde, aussi pour calmer le jeu. C'était une mesure très pacifique. Ça suscitait les sympathies. Donc, assez clairement, et d'ailleurs on va se moquer de lui, on va dire « Ah, Chaput se prend pour Gandhi », Marcel Chaput va de l'avant avec cette méthode, et il annonce ça en grande pompe au début de juillet 1963, donc en plein été, et les médias sont pas trop accaparés par toutes sortes de sujets, donc évidemment il est très bien couvert ouais. par l'actualité. Et là, ce qui est drôle, c'est quand on va dans les archives du Parti républicain et qu'on sort tous les communiqués de l'époque, eh bien, on a le nombre de livres que Marcel Chaput perd de jour en jour. Il est suivi de près par ses médecins et aussi les sommes amassées. Ouais. Donc, le 11 juillet, il annonce qu'il a perdu 5 livres et très rapidement, ça suscite évidemment beaucoup d'intérêt. Il y a le chanteur Fernand Gignac qui annonce qu'il va organiser un spectacle bénéfice le vendredi 2 août au Centre l'Immaculée Conception, auquel prend part Jean Roger, Joël Denis. Il est déjà rendu à 32 livres de perdu le 1er août. Et ainsi de suite. Donc, ça suscite de l'intérêt. Il y a des gens, des donateurs qui sont au rendez-vous. Et finalement, au début août, la première semaine d'août, il va cesser son jeûne ouais. et il aura ramassé ses 100 000 $. Ouais. Sauf que ça va vite, l'argent brûle hein, entre les doigts et les problèmes financiers du parti se poursuivent. Deuxième grève de la faim oui. Qui sera moins... moins bénéfique. Marcel Chaput parle justement dans l'extrait qu'on va entendre de cet échec. Ce qui est intéressant, c'est en janvier 64, donc ça marche pas. Il doit mettre fin à son second jeûne en constatant cette fois-là un échec. Ce qui est intéressant, vous allez l'entendre, c'est devant les bureaux du parti, mais on l'oublie avec le temps, mais il est à ce moment-là vraiment un ténor, une voix très, très appréciée oui. des souverainistes. Franchement, il fait un grand devoir parce que jeûner 52 jours, c'est tough. Bien, je crois que c'est le plus grand sacrifice qu'un homme peut se faire pour sa nation. Disons que j'étais d'accord avec son premier jeûne. Je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens que celui-là pour arriver à collecter quand même de l'argent pour l'indépendance, parce que j'y crois à l'indépendance du Québec. Les résultats de ce deuxième jeûne, qui dépasse à l'heure actuelle 50 jours, comme vous l'avez dit, sont assez décevants. L'objectif était de 50 000 $. Nous en avons... amassé à l'heure actuelle que 14 000. Les explications, elles sont multiples probablement. C'est que c'est un deuxième jeûne. La population, enfin la première fois, l'été dernier, pour elle, c'était, il y avait un élément de curiosité. Un homme qui jeûnait ici en Amérique du Nord, ça ne s'était, je crois, jamais vu. On ne savait pas combien de temps ça pouvait durer, on le prenait en sympathie. Tandis qu'une deuxième fois, la même personne, on savait que l'été dernier, il avait duré 33 jours, donc il était capable de durer au moins 33 jours cette fois-ci. Il n'y avait plus cet élément de nouveauté. Donc la population s'est désintéressée. La population s'est désintéressée, dit Marcel Chaput. De fait, tout de suite après, très peu de temps après, ce sera la fin du Parti oui. républicain. Alors, le premier jeûne avait duré justement 33 jours. Il se termine le 10 août. Il tente à nouveau la chance parce qu'il est visiblement un mauvais administrateur, parce qu'il existe la notion de marge de crédit. C'est-à-dire, il se reprochera à lui-même d'avoir tout voulu rembourser tous ses créanciers trop vite. Mais surtout, il va tirer de cette expérience, de cette deuxième expérience, de deuxième jeûne qui aura mal tourné, il constatera que les notables qu'il souhaitait rejoindre avec ses congrès à l'hôtel Reine-Élisabeth et cette respectabilité ne rejoindront pas, en tout cas pas à ce moment-là, ouais. les indépendantistes. Et donc, il va en tirer la conclusion que, oui, il faut que le parti des indépendantistes mise surtout sur la classe ouvrière, mise sur les classes populaires, et que c'est là la voie de salut ouais. des indépendantistes. Donc, il dissout le Parti républicain au début de l'année 1964 et peu à à peu, il va revenir au bercail, revenir aux aériennes et se présenter en 1966. Il reste quelques minutes, Éric, pour parler, à part cette idée d'indépendance, il y a dans la pensée politique de Marcel Chaput des choses intéressantes. Sa vision du français, du statut du français dans un État québécois indépendant, elle est très, très claire. Oui, elle est très claire. C'est l'unilinguisme. Et là-dessus, on pourrait dire que Marcel Chaput, on présentera peut-être cette position comme une position de vengeance, d'intolérance. À mon avis, Marcel Chaput est un vrai jacobin républicain, très proche de l'optique française, de l'unilinguisme, c'est-à-dire on finance pour qu'il y ait une sorte d'homogénéité de la nation. Il faut parler la même langue et donc on va financer des institutions où on fait la promotion de la langue française. Et donc McGill ne recevrait plus dans un Québec indépendant de subventions. Si McGill, l'Université McGill, continuait d'enseigner en anglais, fini les subventions. Voilà, fini les subventions. Il a une position jacobine, républicaine, ouais, comme celle de François Aquin et de plusieurs autres indépendantistes à l'époque. En fait, il a cette phrase qui explique tout. Aucune minorité, je le cite, aucune minorité ne dispose de droits historiques et ne doit avoir de privilèges. C'est clair pour lui. Exactement. Sur la question linguistique. Alors que René Lévesque a une position plus libérale, ouais, hein, sur cette question-là. État francophone, État chrétien aussi pour lui. Oui, c'est-à-dire un État chrétien, mais il voulait quand même laisser le libre choix, il ne voulait pas imposer le christianisme à tous les Québécois dans un Québec indépendant, mais il constatait que la majorité francophone était chrétienne, et donc il disait qu'il fallait, mais évidemment c'est une perspective qui ne convenait absolument pas à quelqu'un comme André Dallemagne et plusieurs indépendantistes qui étaient plutôt anticléricaux et tout à fait dans la vague des années 60. Mais lui disait, écoutez, c'est de l'ordre du constat. Oui. Et puis, dernière chose qui est intéressante, parce que ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas du tout. Il veut l'indépendance du Québec, mais il est très centralisateur. Il veut un État central très fort. Il comprend très bien les Canadiens anglais, au fond. Oui. Alors, justement, c'est que de son point de vue, parce qu'il a cette perspective un peu jacobine française, d'avoir deux niveaux de souveraineté qui se font un peu concurrence, comme c'est le cas de tous les États fédéraux, toutes les sociétés fédérales où on a choisi ce régime. Pour lui, c'est une perte d'énergie, perte de temps, concurrence inutile. Et donc, il comprend en effet, il le dit d'ailleurs en toute lettre dans Pourquoi je suis séparatiste, il comprend les Canadiens anglais d'être décentralisateurs. Il veut une sorte d'État français très centralisé, qui serait la République du Québec. En un mot, il a été une voix très, très importante. On l'a éclipsé par Pierre Bourgault, par ceux qui suivront, René Lévesque, Jacques Parizeau. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Mais à l'époque, c'était vraiment une voix importante du mouvement indépendantiste. C'est une voix importante. Il fait beaucoup connaître la cause indépendantiste au début des années 60. Mais en effet, à cause de ses choix avec le Parti républicain, il sera un peu moins pris au sérieux. Il est éclipsé par un orateur électrisant qui est Pierre Bourgault, qui est plus proche de la génération du baby-boom qui va envahir le Parti québécois et le RN, le mouvement indépendantiste. Et évidemment, la figure de René Lévesque, ouais, en impose et il n'a pas la même perspective que celle de René Lévesque. Il va mourir en 1991, plutôt dans l'indifférence, même s'il aura par la suite quand même beaucoup milité, fait connaître ses idées, écrit sur ce sujet. Éric Bédard, professeur à la TELUC, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado de diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.